chaudière, c'est il a des plans dans la cinquième. Un bookmaker lui a conseillé de miser sur fleurs de lys et diadème. Il a pas grand chose à gagner, il a surtout plus rien à perdre. Mais responsable, il joue jamais plus de 23 fois ce qu'il possède. Et sa petite vie, ça lui suffit. Il rêve parfois de lointaines contrées où la main de l'homme n'a jamais posé le pied. Il a trois enfants dont il est fier, un flic, une chômeuse, un gangster. Il va pas leur jeter la pierre lui-même, étant pas une lumière. Il râle quand même de temps en temps, parce qu'il l'appelle pas très souvent. Il lui montre pas assez de respect, on n'a qu'un père tout de même. Non mais sa petite vie, il la trouve classe. Il se serait quand même bien projeté en style de country, au fin fond du Texas. Magicien.